frappe. Respecte-moi, c'est pas une affaire de rap. Je serais pas kika si je roule en Lada. Si t'as pas de Bouta Wallou, Nada qui te là-bas. Tu pourras tout avaler, ça va aller. Pirater, il ne s'arrêtera jamais. Pas loin la tête, pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris, je t'aime, Zlatan est parti quand même. C'est pas une ma dédicace. Pas loin la tête, pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris, je t'aime, Zlatan est parti quand même. C'est pas une ma dédicace. On est là pour faire danser tout Pana, tout Pana. Y'a des femmes du champagne ici, c'est Pana, c'est Pana. On est venu faire danser tout Pana, tout Pana. On est parti pour toute la night. C'est pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris, je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. Pas dans la tête, pas la meilleure est partie, mais la plus efficace. Paris, je t'aime, Zlatan est parti quand même. J'ai pas eu ma dédicace. On est là pour faire danser tout Pana, tout Pana. Y'a des femmes du champagne ici.